Et ben bonjour tout le monde. Donc moi je suis Pascale Martinetto, directrice générale des services de la mairie du 20e. Ah, vu que c'est un bémol, Mathilde, je suis restée territoriale en fait. Non mais c'est très important parce qu'on parlait des corps, etc. La ville de Paris est extrêmement jalouse de son statut et de sa corporation. Et nous rappelle régulièrement que les administrateurs territoriaux que je suis ne peuvent en aucun cas prétendre être au même niveau que les administrateurs civils de la ville de Paris et qu'il s'agirait que chacun reste chez soi. Ça a été une vraie découverte. Moi, je suis arrivée sur ces fonctions il y a exactement 2 ans à Paris, ne connaissant absolument pas l'administration parisienne. Et effectivement, c'est une administration entre deux, entre ce qui lui reste d'héritage ministériel, étatique. La preuve, c'est que ce n'est pas une directrice générale des services de la ville de Paris, mais une secrétaire générale. Qui quand même voudrait bien être une collectivité, mais n'est pas tout à fait une collectivité. Et régulièrement, on rappelle et on se rappelle les uns les autres que nous sommes tolérés dans cette grande maison, mais que nous sommes définitivement pas de ce code parisien, parce que c'est extrêmement codé. Et quand j'en parle avec mes collègues, de l'administration d'État, le calcul de la carrière à Paris se fait effectivement beaucoup comme un ministère. Il faut, pour prétendre à tel poste, faire 5 ans de telle fonction, etc. Ce qui n'est pas le cas de la territoriale, qui a d'autres codes, mais qui a plus de souplesse. J'enchaînerai sur la conclusion que disait Anne, effectivement sur la force du collectif, puisqu'aujourd'hui, je suis présente, mais comme Anne, pour une double qualité, à la fois dans le parcours que j'ai déroulé dans la territoriale, et puis moi aussi, je suis secrétaire générale d'une association qui, effectivement, comme disait Mathilde, née il y a 5 ans, en 2020, qui est vraiment devenue une association de 2021, qui représente effectivement la territoriale, partant du principe, mais je pense comme pour la justice administrative, partant du principe que nous étions un gros morceau de la fonction publique, mais que cette question des femmes dans la fonction publique territoriale était un impensé. Puisqu'au final, effectivement, et j'ai régulièrement des collègues, masculins notamment, ou féminines, hein, me dire, mais il n'y a plus de sujet. Entre le statut et le fait que nos rémunérations appartiennent à une grille de rémunération, pourquoi veux-tu en faire un sujet? Et la deuxième chose qu'on nous renvoie en général, c'est, moi, je n'ai pas très envie d'adhérer à cette association, qui compte 300 membres aujourd'hui, puisque moi, femme, je n'ai pas de compte à régler avec les hommes. Et ce qu'on rappelle, mais comme disait Anne, c'est qu'en fait, on a des comptes à régler avec personne. Mais que la question de la parité, notamment dans les postes de direction ou de direction générale, c'est un combat, s'il y en a un, qui est un combat partagé femmes-hommes. Puisqu'aujourd'hui, les questions de conciliation vie perso-vie pro ou de comment doit-on dérouler une carrière pour qu'elle se dise réussie, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se posent aussi la question en se disant que le carriérisme et le présentéisme a aussi ses limites et qu'ils aimeraient aussi avoir cette liberté de dire ben, je ne travaille pas le mercredi parce que je m'occupe de mes enfants, sans qu'on le regarde de travers. Et en général, un homme qui effectivement est très investi dans la vie de ses enfants est un homme 2 fois plus extraordinaire qu'une femme où on se dit qu'après tout, c'est normal. Moi, j'ai des collègues qui ont reçu le tour extérieur d'administrateur territorial. Donc, vous partez un an en formation à Strasbourg. Et les collègues qui partaient me disaient, bah, tu vois, c'est vraiment très injuste parce que du moment que tu as un homme qui part en formation un an à Strasbourg et qui dit, bah, je m'en veux, je ne vois pas les enfants le soir, etc. Toute la promo te dit, oh, quel homme extraordinaire et investi. Et la nana qui se torture en se disant « mais comment je vais faire ?» etc., c'est normal en fait. Et je trouve que les 3/4 du temps, c'est nous les plus mauvaises avocates de nos carrières et de nos prétentions. Puisqu'on a intégré tellement de biais cognitifs, sociétaux, etc., que oui, il y a un sentiment d'imposteur que régulièrement on nous rappelle, mais qu'on a tellement intériorisé qu'au final, on n'ose pas. Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est pour revenir sur ma carrière, puisque donc, je suis administratrice territoriale, mais plutôt ces dernières années, j'ai déroulé effectivement une carrière dans la fonction publique territoriale de tout temps. En fait, je n'ai fait que ça, je n'ai pas fait de passage par l'État. Et ce qui m'a fait prendre conscience comme Anne, pour moi, il n'y avait pas de sujet. En fait, j'ai grandi dans une fratrie où il n'y a que des sœurs, donc dans une sororie, avec des parents pour qui ce n'était pas un sujet, parce que des parents profs est plutôt équilibré. Et la question m'a rattrapée quand moi, je suis devenue maman, pour la simple et bonne raison que j'ai divorcé. Et famille monoparentale, c'est aussi un impensé de nos organisations. Et que j'ai intériorisé moi aussi, c'est en mode bah, débrouille-toi. En fait, ça va te coûter 3 bras, 2 reins. Et puis, si tu as la prétention sur tel poste. Et ce qui m'a fait déclic, c'est que J'ai commencé ma carrière pendant 15 ans au Conseil régional PACA, très formateur le Sud, hein, pour la fonction publique, et que dans une situation de crise politico-judiciaire de l'administration régionale, en 2009, c'est l'institution elle-même qui est venue me chercher en me disant c'est la panique, puisque il y avait une vice-présidente qui était mise en examen, il y avait les 18 agents du service en question qui se sont retrouvés auditionnés au commissariat, voire en garde à vue pour certains. Et dans la panique de la campagne des régionales qui s'est annoncée, l'institution m'a dit, c'était sur la politique de la ville, de toute façon, personne n'y comprend rien au contrat de la politique de la ville, toi, oui, est-ce que tu acceptes de devenir directrice? Et comme une idiote, parce que c'est vraiment un réflexe de femme, je leur ai dit non, en leur disant, mais moi, j'ai un enfant de 5 ans, je suis toute seule avec lui, il vous faut quelqu'un à 400%, je n'y arriverai pas. Et on m'a dit, bah, très bien, donc tu seras adjointe, on va te mettre un type qui, au final, était deux fois plus incompétent que moi. Et ben, au final, je l'ai fait, le boulot à 400%, je n'ai pas eu la paye. J'ai eu tous les enquiquinements qui allaient avec et toute la culpabilité, pour le coup, dont j'étais la reine du Tetris de la nounou, mais avec un gamin qui m'en a voulu au bout d'un moment pour me dire, pour le coup, tu as trop de boulot. Et dans la pression sociétale, puisqu'on en revenait sur la conciliation et des femmes dans les ministères, mais je pense qu'elle ferait le même constat, c'est la pression sociétale, c'est-à-dire que l'école vous rappelle qu'en fait, si votre gamin fait l'andouille à l'école, ben, c'est de votre faute. Alors que vous leur rappelez qu'il y a un père, qu'ils ont les coordonnées, que le père vient tous les 15 jours, et qu'on vous dit « Ouais, mais bon, quand même, hein, il est à l'école primaire, et on sait la place de la maman. » Et vous vous en voulez beaucoup, en fait. Vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est à quel point je ne me suis pas défendue non plus. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand même, je me suis défendue. Mais au final, vous intégrez le fait que, oui, tout est de votre faute et qu'après tout, vous avez osé vous dire que vous aviez aussi... Ce n'est pas tant faire carrière, c'est se faire plaisir dans des postes qui vous intéressent. Et que bah, vous avez fait ce double choix, à vous de le payer double, quoi. Et moi, ce qui m'a permis quand même d'avancer, c'est bah, du coup, c'est le réseau familial, en fait. Parce qu'à un moment donné, ce que vous n'avez pas d'un côté, il faut le trouver de l'autre. Alors, j'ai eu cette chance-là. Et effectivement, nous, dans la territoriale, pour avancer, nous sommes soumis à l'obligation de double mobilité, puisque pour prétendre à des emplois fonctionnels de direction générale et évoluer dans le grade d'administrateur, il faut bouger, sinon vous ne pouvez pas y prétendre. Et deuxièmement, de toute façon, quand vous êtes en emploi fonctionnel, vous êtes soumis au fait du prince politique. Et que quand il y a rupture de confiance, vous avez 3 mois pour faire vos valises ou à renoncer à un emploi fonctionnel et de vous retrouver au placard. Donc j'ai eu cette chance-là, en fait, d'avoir une famille à la fois parents et sœurs qui ont accepté de jouer le jeu et d'accompagner les choses. D'avoir aussi, pour le coup, la fenêtre de tir quand mon fils a grandi et que l'entrée au lycée m'a permis de dire on va gérer autrement et que, j'ai au moins cette fierté, c'est que j'ai un enfant extrêmement débrouillard, extrêmement féministe et qu'à un moment donné, c'est aussi ce qui rend optimiste sur cette génération de dire il a des réflexes à me dire il y a des choses qui sont pas normales, en fait, dans comment les filles peuvent faire carrière. Mais c'est pas gagné et c'est pas gagné non plus... ce que mes collègues féminines ont intégré. Moi, j'ai encore des femmes qui disent « Ah non, mais moi, je ne me ferais pas appeler directrice générale. Ça dévalue notre fonction. J'ai qu'à continuer à m'appeler directeur général et après tout, ils verront bien que je suis une femme. » Et je suis d'accord avec Anne. À un moment donné, c'est pas possible. Et sur la conciliation des temps personnels et professionnels et justement le rôle que peut jouer l'institution, aujourd'hui, il y a des collectivités, notamment des communes, qui jouent de plus en plus le jeu à dire « Mais pourquoi un conseil municipal doit toujours se tenir après 18 heures ?» Au motif que les élus ont des vies civiles, ce qui est vrai, mais la décharge d'élus fait qu'on peut aussi dire qu'on a un conseil municipal à 14 heures. Et que quand on propose ça, parce qu'à un moment donné, j'ai quand même été à la ville de Grenoble, la ville de Grenoble l'a mis en place en me disant d'une part, parce que ça coûte cher à l'institution, parce que quand vous faites des conseils municipaux après 18 heures, ça veut dire que vous payez tout le monde en heure sup. Y compris les agents de logistique, etc., que donc l'institution a y gagné en termes de masse salariale. Et puis les hommes étaient super contents, en fait, parce que c'est pas vrai qu'il y a plein de papas qui sont très contents de rentrer à 22h, et que ceux qui sont pas contents, mais c'est qu'ils ont d'autres soucis familiaux à gérer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui s'engouffrent dans tu comprends pas, chérie, j'ai beaucoup de boulot. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas envie de taper l'heure du bain et les couches. Mais c'est un vrai sujet parce que moi, je trouve que, enfin, je reviens sur ce que je disais en termes de propos, effectivement, sur la force des réseaux, l'association dirigeante des territoires, elle s'est aussi fondée là-dessus sur un double constat. D'une part, c'est qu'il y avait des biais au moment des modes des jurys de recrutement. Et j'en reviens sur les tables d'expertes ou de débats qui ne comportent que des hommes. Et en général, la réponse, c'est « on a cherché des femmes, on n'en a pas trouvé ». Ah ouais, t'as pas beaucoup cherché alors. Parce que, évidemment, spontanément, en termes de visibilité, c'est souvent des hommes experts, c'est des hommes ressources, etc. Et ça vaut aussi dans les recrutements. C'est-à-dire que sur des recrutements de directeur ou directrice générale, au final, spontanément, les cabinets de recrutement, et j'y reviendrai sur la difficulté qu'ont les femmes à réseauter, sur le sentiment d'imposteur, etc., mais que les femmes n'osent pas ou n'ont pas l'occasion d'eux. Et donc, très souvent, les jurys de recrutement, et ça a été le constat de la présidente qui a fondé l'association, c'était de dire, mais quand, puisqu'elle travaille pour un cabinet de recrutement et de conseil, quand on ouvre des postes de directrice ou directeur généraux, très spontanément, à 90% sont des hommes, soit qui candidatent, soit que les cabinets de recrutement apportent, et qu'en plus, ça se double du fait que, de manière totalement inconsciente, hein, parce que, alors le pire, c'est quand on en prend conscience, mais que les entretiens de recrutement, c'est pas les mêmes questions quand vous êtes un homme ou une femme, et que les jurys, spontanément, ne vont pas poser les mêmes questions. Mais moi, j'ai fait la remarque à des collègues candidates, les femmes, toutes seules, se tirent une balle dans le pied quand vous commencez un entretien de recrutement pour un poste de direction générale, et que vous commencez votre présentation en disant « Bonjour, j'ai 45 ans et j'ai deux enfants. » Et qu'aucun homme ne commence son entretien en disant « Bonjour, j'ai 45 ans et deux enfants. » Pas parce qu'il y a des hommes qui le revendiquent en disant « Moi, j'ai des collègues masculins, de dire « Écoutez, vu la disponibilité que vous demandez, effectivement, le poison du présentéisme est néfaste aux hommes et très néfaste aux femmes. » Enfin, je ne reprendrai pas sur ce que Albon constatait. Mais moi, je redis sans arrêt à des collègues féminines, et c'est du coup un des axes de l'association que je représente aujourd'hui, c'est beaucoup sur le marrainage, comment on s'encourage les unes et les autres, sur non, il n'y a pas de syndrome d'imposteur, ou alors on l'a toute. Et il y a beaucoup d'hommes qui l'ont aussi, il ne faut pas croire. Moi, j'ai beaucoup de collègues, y compris au sein de l'association, même si on est majoritairement un réseau féminin, on a quand même 10 à 15% d'hommes qui sont membres. Il y a des hommes aussi qui ont le sentiment d'imposteur. Mais c'est quelque chose dans lequel on s'encourage ensemble, de dire ben, on s'encourage à réseauter, on s'encourage à postuler et on développe beaucoup de marrainage dans cet effet miroir, à dire en fait oui, bien sûr que les organisations de travail ne nous laissent pas forcément la place, oui, bien sûr que les institutions sont les premières à dire ah ben c'est ballot, en fait tu t'es pas lancé, à nous de nous lancer au tout, à nous aussi de revendiquer et s'affirmer. Moi, ce que je redis aux collègues, s'affirmer, c'est pas forcément c'est surtout pas être conflictuel, même si par moment il y a des choses qu'on peut pas laisser passer. Parce que je pense que toutes les femmes que nous sommes autour de cette salle, on aurait toutes beaucoup d'anecdotes à partager sur les remarques qu'on a pu se prendre, etc. Ou là, mais ça va, t'as pas d'humour. Puis de toute façon, avec vous, on peut plus jamais rien dire. Bien sûr, on peut dire tout le reste aussi. Et pour finir, parce qu'après, je voudrais quand même vous dire quelques mots, puisque c'est effectivement la question de comment on objective, et sans dire que c'est une bataille des chiffres, mais Albon l'a rappelé, aujourd'hui, c'est quand même façon puzzle, comme diraient les tontons flingueurs. C'est devenu très, très compliqué ces dernières années de consolider des données. Est-ce que c'est une volonté de l'État? Je ne sais pas, mais on peut finir par s'interroger à force d'invisibiliser à ce point ces questions-là. Ça reste des choses sur lesquelles on ne doit pas lâcher. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui beaucoup dans la territoriale, à l'instar de ce que disait Emilien en entame dans cette question est plus que politique, elle n'est pas juste une question technocratique. Il y a aujourd'hui une très grande ligne de fracture sur la question de l'égalité femmes-hommes, mais qui recroise la question du racisme ou de l'invisibilisation de la représentativité non-blanche, pour prendre un raccourci. C'est la fracture entre des territoires métropolitains et des strates de population, de collectivités qui sont en dehors des aires métropolitaines. Aujourd'hui, alors Paris est vraiment une bulle. Moi qui ne suis pas parisienne, j'explique à mes collègues de l'administration parisienne qui ne sont que parisiens qu'on a des débats de riches à Paris. C'est pas que les débats ne sont pas intéressants, mais on a des débats de riches dans mon Dieu, est-ce qu'on met plutôt le curseur là ou là, sachant qu'on est dans un contexte plus que favorable. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de bataille à mener à Paris. Hein. Aujourd'hui, la Gazette des communes ouvrait en disant les femmes dirigeantes, rien n'est acquis. C'est plus que jamais vrai. Mais moi, ce qui me frappe dans la territoriale, d'autant plus depuis 2 ans que je suis à Paris, c'est qu'il y a des sujets qui sont quand même plus réglés dans les aires métropolitaines que sont Lyon, Strasbourg, Marseille, Nantes, Paris, etc. Et dans le reste des collectivités. Moi, mon poste précédent, avant d'être à Paris, c'était DGA mutualisée, ville et interco à Montélimar. Donc, deuxième ville de la Drôme, avec un territoire extrêmement rural, qui est vraiment la porte du Sud, y compris pour le vote au Rassemblement national. Et la question des femmes est devenue, en fait, une vraie bagarre politique et administrative. On était trois femmes directrices générales. On est parties toutes les trois la même année. Et pour des raisons vraiment de sexisme et de racisme largement assumées, enfin, je veux dire, ça s'appelle la droite décomplexée. Elle est vraiment plus du tout complexée. Et c'est plus qu'une question de droite, vraiment. Et qu'effectivement, quand vous réagissez, parce que nous, on était deux femmes, on s'est fait traiter quand même de sac à vin par le maire président, hein, quand même. Et que quand vous réagissez en expliquant que c'est extrêmement vulgaire et carrément inqualifiable, et donc là, vous vous prenez de toute façon, on ne peut plus rien vous dire. Alors que tout est fait pour vous, quand même. Déjà, vous nous cassez bien les pieds sur la représentativité, les quotas, etc. Vous lâchez l'affaire à un moment donné, parce que vous vous dites jusqu'où je vais me battre. Puis après, il y va à votre santé et puis que les gens ne comprennent plus. Parce qu'après, il y a le truc de... De toute façon, elle est hystérique. Hein. Un homme s'énerve parce qu'il a des raisons de s'énerver, mais une femme est hystérique et que franchement, puis c'est pas ton bonjour peut-être en fait, parce que ceci je l'ai eu. Mais c'est vraiment une inquiétude. C'est vraiment une inquiétude dans la territoriale et d'autant plus à un an des municipales où aujourd'hui, quand on voit la montée du vote d'extrême droite, on peut vraiment s'inquiéter sur ce qui sera fait demain et que qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Très rapidement. Puis je pourrais revenir après sur ces aspects dans un deuxième temps. Je voulais vous dire rapidement, d'abord rendre hommage aux collègues qui ont fait un énorme travail depuis un an sur justement constituer un observatoire au sein de cette association. Puisque comme vous le disiez, de quoi parle-t-on ? C'est vraiment la question primordiale. On peut philosopher et on pourrait dire une fois plus qu'effectivement, il y a la loi Sauvadet en 2012. Il y a eu la loi en 2023 sur durcir la loi Sauvadet en expliquant qu'il fallait maintenant qu'on soit 50% des primo nominés sur les postes de direction générale. Mais c'est plus si simple. Et effectivement, ce qui vaut pour l'administration d'État ou pour la juridiction administrative vaut pour la territoriale, puisqu'aujourd'hui, au final, on est très féminisé. Mais si on agglomère le A, B, B et C. Parce qu'au final, le C est très, très, très féminisé. Les A+, beaucoup moins. Nous, c'est beaucoup plus facile, les A+, parce que pour le coup, c'est vraiment les grades qui définissent le A+. Donc, c'est plus facile à embrasser. Donc, je vais vous faire 3-4 slides et vous verrez à la fin, il y a un QR code. Et de toute façon, vous retrouvez l'exhaustivité, parce qu'il y a quand même 72 pages de l'Observatoire avec beaucoup plus de détails, y compris du comparatif État sur le site de l'association. Pour vous dire rapidement, et je pourrais aussi revenir dans un deuxième temps si vous en avez besoin, que quand même paradoxalement, on est beaucoup plus diplômés, mais beaucoup moins promus, et que notamment, ça vaut voilà, dans ce qui vous est de graphique aujourd'hui, on réussit un certain nombre d'études, etc., mais j'enfonce des portes ouvertes, mais qu'au moment des concours, ce que vous disiez sur les concours de l'État, ça vaut aussi pour les concours des A+. Donc là, c'est sur les grades d'administrateur territorial et d'ingénieur en chef, qui sont les deux grandes filières. On n'a pas pris la filière culturelle. Mais aujourd'hui, sur des concours qui se disent du coup très ouverts, même si un G-chef est beaucoup plus technique, on ne progresse pas tant que ça. Et ces dernières années, ces 3 dernières années, ça régresse. Y compris sur administrateur territorial, qui est quand même le plus généraliste de nos concours, ce qui nous inquiète beaucoup. Donc, je ne vais pas m'étaler, mais on pourrait y revenir, parce qu'on peut faire aussi des appels aux chercheurs. Mais aujourd'hui, c'est multifactoriel, en fait, sur les concours d'administrateurs, notamment. C'est une tranche d'âge où, effectivement, comme vous disiez, pour que c'est un intérêt, il faut passer le concours à la trentaine. Et c'est au moment où les femmes se posent la question de la maternité. Comme je disais, réussir le concours d'ingé chef ou d'administrateur, ça oblige à un vrai sacrifice de mobilité, puisque ça veut dire que pendant un an, il faut se rendre à Strasbourg, et que c'est pas si simple avec des enfants bas âge, quelle que soit la qualité du conjoint masculin, c'est quand même, voilà, et les femmes culpabilisent beaucoup, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même... en général, quelque chose qu'on a aussi intégré. Donc, c'est multifactoriel. Et puis, avec aujourd'hui, la vraie question de « et si je réussis, il va falloir aussi que je bouge ?» Puisque c'est, on ne peut prétendre qu'il y a des collectivités de plus de 40 000 habitants. Donc, c'est aussi un sujet. Et puis, pour finir, ce que je disais tout à l'heure sur le statut, l'emploi fonctionnel. Moi, je suis ravie d'être statutaire parce que ça m'a protégée. Et je pense que si je ne l'avais pas été, à un moment donné, j'aurais payé chèrement mon choix de divorcer et d'élever seule un enfant. Donc, c'est très protecteur. Mais l'emploi fonctionnel fait que, ce que je disais tout à l'heure, moi, en 10 ans, j'ai déménagé 8 fois. Voilà, donc c'est aussi un choix que je ne regrette pas du tout, mais qui peut freiner certaines collègues. Je vais aussi enfoncer des portes ouvertes, mais ce qu'on disait tout à l'heure sur les stéréotypes et les filières, puisque ça reste très très marqué par des aspects genrés. Et effectivement, tout ce qui va être le médico-social, la petite enfance, etc., c'est surreprésenté pour les femmes. Ce qui pose une autre question de la place des hommes, puisque il y a des hommes, pour le coup, qui n'osent pas. C'est quand même compliqué d'intégrer des formations et puis des équipes où, au final, les femmes peuvent être aussi très excluantes. Ça va être pareil sur le culturel, etc. Et alors, évidemment, sur le technique, c'est un vrai sujet. Sur les postes, notamment de DGA ou de DG issus des services techniques, puisque, enfin, moi, je... Ma collègue qui était déjà des services techniques avec moi, Montélimar, qui est aujourd'hui partie en Haute-Savoie, disait, moi, ça n'a jamais été un sujet. Parce qu'en fin de compte, très rapidement, c'est des métiers où tu as la compétence. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc, elle me dit, passer la première surprise en plus, c'est terrible parce que je dis ça en plus parce que c'est vraiment une très jolie femme et qui a beaucoup revendiqué d'être extrêmement élégante. Vous le payez aussi. Enfin, je ne veux pas reprendre les polémiques, Cécile Duflot à l'Assemblée, mais grosso modo, si vous arrivez en kikinement, vous aviez qu'à vous habiller autrement. Et elle me dit, moi, j'en ai fait aussi, pas une revendication, mais une affirmation en expliquant que si je venais en tailleur. Dans des ateliers municipaux, elle me dit, t'as la première truc de « va falloir qu'on planque tous les calendriers Pirelli ». Et puis, elle me dit, au bout de 5 minutes, comme ils ont compris que de toute façon, j'étais à égalité, il n'y a plus de sujet. Mais effectivement, ça reste une affirmation. On parlait effectivement de plafond de verre et de parité. Aujourd'hui, enfin voilà, cette flèche, elle est quand même très parlante. Tout va très bien quand on est en catégorie A, en termes de part des femmes, puisqu'on est 69%. Sur les postes de DGS, on est 24%. Et même sur cette proportion-là, c'est vraiment trompe-l'œil parce qu'aujourd'hui, les collectivités qui sont le plus, on va dire, féministes, c'est les régions. Et les moins féminisées, c'est les départements. Ce qui pose aussi la question parce que, pour le coup, les emplois dans les départements, puisqu'on est sur des fonctions majoritairement médico-sociales, sur la petite enfance, etc., sont très, très, très féminines, mais tout va très bien tant que vous n'avez pas de prétention. Et ce que je disais tout à l'heure, et quand vous corrélez sur la diversité, plus largement, l'intersectionnalité est terrible. Moi, je prends, pour ne pas le citer, le département de Seine-Saint-Denis, où il y a un effort de féminisation, et pas tant que ça sur les postes de direction générale, mais alors que dans un département qui compte 130 nationalités, vous n'avez aucun poste de cadre qui soit non-blanc. Ce qui pose du coup aussi cette double bataille-là, parce que moi, j'ai des collègues dans le réseau dirigeant des territoires qui me disent, ben, régulièrement, nous, on a la double peine. C'est-à-dire que tu es femme, qui a des prétentions d'atteindre un poste de direction générale, elles ont largement les compétences. Et quand tu postules, en général, tu as en plus un élément de recul de... Ah ouais, et en plus, voilà, vous n'êtes pas blanche, c'est pas tout à fait dit comme ça, mais elle me dit les questions sont toujours très orientées, de comment vous allez vous positionner, est-ce que votre origine, vu votre nom, etc., est un frein, qui est une double peine dans les entretiens. Voilà, à très grande masse, enfin, une fois de plus, je pourrais détailler, et pour dire aussi, comme disait Anne, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait parce que soit on se désespère ou on se contente de ce qu'on a, c'est bon, bah, tant pis, on a fait tout ce qu'on a pu. C'est vraiment, enfin, je reprends tout ce qui a été dit ce matin, c'est vraiment la force du collectif. Une fois de plus, de dire bah, comment on s'encourage, comment aussi on milite. Enfin, l'association, si vous allez voir sur le site, on a travaillé aussi 19 propositions sur notamment exiger dans les jurys de recrutement qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui soient proposés. Et là, vous avez toujours les collectivités qui vous disent « Ah ouais, mais bon, c'est pas si simple, mais bah, il faut aller à la pêche, etc. Et, » bah, et d'aller susciter, en fait, les candidatures féminines et beaucoup de militer entre femmes en disant pas plus à dire à des collègues « Mais pourquoi toi, t'y vas pas ? Pourquoi tu postules pas ?» Et moi, je vous avoue que des gestes, il y a quelques années, j'y aurais pas pensé. Et puis, le hasard a fait que quand j'étais déjà à Chambéry, bon, en 4 ans de poste, j'ai eu 4 DGS, dont un qui était vraiment l'archétype du mec nul. Enfin, vraiment du DGS, mais tragique, quoi. Et là, vous vous dites, ah ouais, non, mais alors si on recrute un mec pareil pour être DGS, moi, franchement, j'ai toutes mes chances. Et si vraiment, lui, il a pu passer la barre, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Et en plus, ce sentiment-là de se dire, mince, il y en a marre de toujours aussi se faire diriger par des ânes qui, à un moment donné, ont su défendre de manière sûrement magistrale un autre train de recrutement, parce que je rappelle que dans la territoire, à la différence de l'État, nous postulons comme dans le privé. C'est-à-dire que notre mobilité nous appartient, ce qui, moi, me fait que j'ai toujours été plus friand de la territoriale que de l'État, puisqu'au final, ça me laisse aussi une grande liberté. Le jour où j'en ai marre de mon employeur, il m'appartient, la preuve, de candidater et de défendre mes compétences, même si je suis d'accord que régulièrement, vous avez une petite voix à dire « mais t'es complètement dingue d'y aller, tu coches que 60% des cases, et comment tu vas justifier les 40% de compétences qui te manquent ?» Moi, les trois quarts de mes collègues masculins ne se posent pas autant de questions, en disant « hey, j'ai déjà 40%, c'est déjà pas mal. » Mais voilà, c'est un vrai moteur aussi de s'encourager les unes les autres et pour le coup de dire, puisque la territoire ne cesse cette liberté, ben, chiche, vas-y, en fait. Et surtout de se rappeler que, comme disait Anne, ben, à un moment donné, on a toutes fait le saut dans l'inconnu et à se dire, bon, ben, donc, il faudrait que j'y aille. Et je trouve qu'il voilà, y a aussi de l'identification. Et pour finir, parce que cette semaine, il y avait le départ à la retraite d'une collègue DGS, que je ne citerai pas, sinon vous saurez qui était sa mère. Et il y a aussi plein de femmes mères qui expliquent qu'on dit madame le maire, mais bon. Alors je faisais une blague à Anne sur maîtresse, parce que quand on dit maîtresse, évidemment, dans l'imaginaire collectif, ça renvoie à des choses beaucoup plus connotées que maître. Et que du coup, j'ai une collègue qui me disait, un collègue qui disait, on ne peut pas tout féminiser, parce que tu comprends, on ne peut pas dire jardinière à la place de jardinier, ça me fait penser au contenant. Et la collègue lui a répondu, bah, du coup, quand tu parles à un avocat, tu dis avocate tout le temps, parce que si tu dis avocat, ça te fait penser aux fruits, donc tu vas féminiser tout le temps la fonction d'avocat. Au moins, il n'y aura plus de sujet sur une avocate ou un avocat. Et que du coup, il y a des femmes mères qui disent, mais je ne veux pas qu'on m'appelle madame la mère, parce que ça fait penser à père-mère. Et donc, tout ça pour vous dire, pour finir là-dessus, c'est que parfois, on pose la question, alors, c'est quoi les qualités féminines d'une manageuse? En fait, il n'y en a pas. Et je vous dis ça parce que donc, la mère en question qui saluait le départ à la retraite de ma collègue DGS, qui dit ce que j'ai apprécié dans cette DGS, c'est toutes ces qualités féminines. Elle était élégante et douce. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai plus de mots, c'est-à-dire que, ben... Donc voilà, donc il n'y a pas de qualité féminine de management, pas plus que je pense qu'il y a des qualités masculines de management. Je pense qu'à un moment donné, c'est à nous aussi de dire qu'on est un bon ou mauvais manager, mais que peu importe, au final, à quel sexe on appartient. J'ai fait 30 minutes, ça va.